Chapitre 1er, l'écrivain. La première question qu'on doit faire sur un artiste est celle-ci. Comment voit-il les objets? Avec quelle netteté? Avec quel élan? Avec quelle force? La réponse définit d'abord toute son œuvre, car à chaque ligne, il l'imagine. Il garde jusqu'au bout l'allure qu'il avait d'abord. La réponse définit d'avance tout son talent, car dans un romancier, l'imagination est la faculté maîtresse. L'art de composer, le bon goût, le sens du vrai en dépendent. Un degré ajouté à sa véhémence bouleverse le style qu'il exprime, change les caractères qu'elle produit, brise les plans où elle s'enferme. Considérez celle de Dickens, vous y apercevrez la cause de ses défauts et de ses mérites, de sa puissance et de ses excès. Il y a en lui un peintre, et un peintre anglais. Jamais esprit, je crois, ne s'est figuré avec un détail plus exact et une plus grande énergie toutes les parties et toutes les couleurs d'un tableau. Lisez cette description d'un orage. Les images semblent prises au daguerréotype, à la lumière éblouissante des éclairs. L'œil, aussi rapide qu'eux, apercevait dans chacune de leurs flammes une multitude d'objets qu'en 50 fois autant de temps il n'eût point vus au grand jour. Des cloches dans leurs clochers, avec la corde et la roue qui les faisaient mouvoir. Des nids délabrés d'oiseaux dans les recoins et dans les corniches, des figures pleines d'effroi sous la bâche des voitures qui passaient, emportées par leur attelage effarouché, avec un fracas que couvrait le tonnerre, des herses et des charrues abandonnées dans les champs, des lieux et puis encore des lieux de pays coupés de haies, avec la bordure lointaine d'arbres aussi visibles que l'épouvantail perché dans le champ de fèves à 3 pas d'eux. Une minute de clarté limpide, ardente, tremblotante, qui montrait tout. Puis une teinte rouge dans la lumière jaune, puis du bleu, puis un éclat si intense qu'on ne voyait plus que de la lumière, puis la plus épaisse et la plus profonde obscurité. Une imagination aussi lucide et aussi énergique doit animer sans effort les objets inanimés. Elle soulève dans l'esprit où elle s'exerce des émotions extraordinaires. Et l'auteur verse sur les objets qu'il se figure quelque chose de la passion surabondante dont il est comblé. Les pierres prennent une voix, les murs blancs s'allongent comme de grands fantômes, les puits noirs bâillent hideusement et mystérieusement dans les ténèbres. Des légions d'êtres étranges tourbillonnent en frissonnant dans la campagne fantastique. La nature vide se peuple, la matière inerte s'agite, mais les images restent nettes. Dans cette folie, il n'y a ni vague ni désordre. Les objets imaginaires sont dessinés avec des contours aussi précis et des détails aussi nombreux que les objets réels, et le rêve vaut la vérité. Il y a, entre autres, une description du vent de la nuit bizarre et puissante qui rappelle certaines pages de Notre-Dame de Paris. La source de cette description, comme de toutes celles de Dickens, est l'imagination pure. Il ne décrit point, comme Walter Scott, pour offrir une carte de géographie au lecteur et pour faire la topographie de son drame. Il ne décrit point, comme Lord Byron, par amour de la magnifique nature et pour étaler une suite splendide de tableaux grandioses. Il ne songe ni à obtenir l'exactitude, ni à choisir la beauté. Frappé d'un spectacle quelconque, il s'exalte et éclate en figures imprévues. Tantôt ce sont les feuilles jaunies que le vent poursuit, qui s'enfuit et se culbute, frissonnante, effarée, d'une course éperdue, se collant au sillon, se noyant dans les fossés, se perchant sur les arbres. Ici, c'est le vent de la nuit qui tourne autour d'une église, qui tâte en gémissant, de sa main invisible, les fenêtres et les portes, qui s'enfonce dans les crevasses, et qui, enfermé dans sa prison de pierre, hurle et se lamente pour en sortir. Quand il a rôdé dans les ailes, lorsqu'il s'est glissé autour des piliers et qu'il a essayé le grand orgue sonore, il s'envole, va choquer le plafond et tente d'arracher les poutres. Puis il s'abat désespéré sur le parvis et s'engouffre en murmurant sous les voûtes. Parfois il revient furtivement et se traîne en rampant le long des murs. Il semble lire en chuchotant les épitaphes des morts. Sur quelques-unes, il passe avec un bruit strident comme un éclat de rire. Sur d'autres, il crie et gémit comme s'il pleurait. Jusqu'ici, nous ne reconnaissons que l'imagination sombre d'un homme du Nord. Un peu plus loin, vous apercevez la religion passionnée d'un protestant révolutionnaire lorsqu'il vous parle des sons funèbres que jette le vent attardé autour de l'autel, des accents sauvages avec lesquels il semble chanter les attentats que l'homme commet et les faux dieux que l'homme adore. Mais au bout d'un instant, l'artiste reprend la parole. Il vous conduit au clocher, et dans le cliquetis des mots qu'il entasse, il donne à vos nerfs la sensation de la tourmente aérienne. Le vent siffle et gambade dans les arcades, dans les dentelures, dans les clochetons grimaçants de la tour. Il se roule et s'entortille autour de l'escalier tremblant. Il fait pirouetter la girouette qui grince. Dickens a tout vu dans le vieux beffroi. Sa pensée est un miroir. Il n'y a pas un des détails les plus minutieux et les plus laids qui lui échappe. Il a compté les barres de fer rongées par la rouille, les feuilles de plomb ridées et recroquevillées qui craquent et se soulèvent étonnées sous le pied qui les foule, les nids d'oiseaux délabrés et empilés dans les recoins des madriers moisis, la poussière grise entassée, les araignées mouchetées, indolentes, engraissées par une longue sécurité qui se balance paresseusement aux vibrations des cloches, pendues par un fil, qui sur une alarme soudaine grimpent ainsi que des matelots après leur cordage ou se laissent glisser à terre et jouent prestement de leurs 20 pattes agiles comme pour sauver une vie. Cette peinture fait illusion. Suspendue à cette hauteur, entre les nuages volants qui promènent leurs ombres sur la ville et les lumières affaiblies qu'on distingue à peine dans la vapeur, on éprouve une sorte de vertige et l'on n'est pas loin de découvrir, comme Dickens, une pensée et une âme dans la voix métallique des cloches qui habitent ce château tremblant. Il fait un roman sur elle. Ce n'est pas le premier. Dickens est un poète. Il se trouve aussi bien dans le monde imaginaire que dans le réel. Ici, ce sont les cloches qui causent avec le pauvre vieux commissionnaire du coin et le consolent. Ailleurs, c'est le grillon du foyer qui chante toutes les joies domestiques et ramène sous les yeux du maître désolé les heureuses soirées, les entretiens confiants, le bien-être, la tranquille gaieté dont il a joui et qu'il n'a plus. Ailleurs, c'est l'histoire d'un enfant malade et précoce qui se sent mourir et qui, en s'endormant dans les bras de sa sœur, entend la chanson lointaine des vagues murmurantes qui l'ont bercé. Les objets chez Dickens prennent la couleur des pensées de ses personnages. Son imagination est si vive qu'elle entraîne tout avec elle dans la voie qu'elle se choisit. Si le personnage est heureux, il faut que les pierres, les fleurs et les nuages le soient aussi. S'il est triste, il faut que la nature pleure avec lui. Jusqu'aux vilaines maisons des rues, tout parle. Le style court à travers un essaim de visions. Il s'emporte jusqu'aux plus étranges bizarreries. Il touche à l'affectation et pourtant cette affectation est naturelle. Dickens ne cherche pas les bizarreries, il les rencontre. Cette imagination excessive est comme une corde trop tendue. Elle produit d'elle-même et sans choc violent des sons qu'on n'entend point ailleurs. On va voir comment elle se monte. Prenez une boutique, n'importe laquelle, la plus rébarbative, celle d'un marchand d'instruments de marine. Dickens voit les baromètres, les chronomètres, les compas, les télescopes, les boussoles, les lunettes, les map-mondes, les porte-voix et le reste. Il en voit tant, il les voit si nettement, il se presse et se serre, et se recouvre si fort les uns les autres dans son cerveau qu'ils remplissent et qu'ils obstruent. Il y a tant d'idées géographiques et nautiques étalées sous les vitrines, pendues au plafond, attachées au mur, elles débordent sur lui par tant de côtés et en telle abondance qu'il en perd le jugement. La boutique se transfigure. Dans la contagion générale, il semble qu'elle se change en je ne sais quelle machine maritime, confortable, faite en manière de vaisseau, n'ayant plus besoin que d'une bonne mer pour être lancée et se mettre tranquillement en chemin pour n'importe quelle île déserte. Confère Dom Benson. La différence entre un fou et un homme de génie n'est pas fort grande. Napoléon, qui s'y connaissait, le disait à Esquirol, la même faculté nous porte à la gloire ou nous jette dans un cabanon. C'est l'imagination visionnaire qui forge les fantômes du fou et qui crée les personnages de l'artiste. Et les classifications qui servent à l'un peuvent servir à l'autre. L'imagination de Dickens ressemble à celle des monomaniaques. S'enfoncer dans une idée, s'y absorber, ne plus voir qu'elle, la répéter sous 100 formes, la grossir, la porter, ainsi agrandie jusque dans l'œil du spectateur, l'en éblouir, l'en accabler, l'imprimer en lui si tenace et si pénétrante qu'il ne puisse plus l'arracher de son souvenir. Ce sont là les grands traits de cette imagination et de ce style. En cela, David Copperfield est un chef-d'œuvre. Jamais objets ne sont restés plus visibles et plus présents dans la mémoire du lecteur que ceux qu'il décrit. La vieille maison, le parloir, la cuisine, le bateau de Peggotty, et surtout la cour de l'école, sont des tableaux d'intérieur dont rien n'égale le relief, l'énergie et la précision. Dickens a la passion et la patience des peintres de sa nation. Il compte un à un les détails, il note les couleurs différentes des vieux troncs d'arbres. Il voit le tonneau fondu, les dalles verdies et cassées, les crevasses des murs humides. Il distingue les singulières odeurs qui en sortent. Il marque la grosseur des taches de mousse. Il lit les noms d'écoliers inscrits sur la porte et s'apesantit sur la forme des lettres. Et cette minutieuse description n'a rien de froid. Si elle est si détaillée, c'est que la contemplation était intense. Elle prouve sa passion par son exactitude. On sentait cette passion sans s'en rendre compte. On la distingue tout d'un coup au bout de la page. Les témérités du style la rendent visible, et la violence de la phrase atteste la violence de l'impression. Des métaphores excessives font passer devant l'esprit des rêves grotesques. On se sent assiégé de visions extravagantes. « Monsieur Mel prend sa flûte et y souffle, » dit Copperfield, au point que je finissais par penser qu'il ferait entrer tout son être dans le grand trou d'en haut pour le faire sortir par les clés d'en bas. Tom Pinch, désabusé, découvre que son maître Pecksniff est un coquin hypocrite. Il avait été si longtemps accoutumé à tremper dans son thé le Pecksniff de son imagination, à l'étendre sur son pain, à le savourer avec sa bière, qu'il fit un assez pauvre déjeuner le lendemain de son expulsion. On pense aux fantaisies d'Hoffmann, on est pris d'une idée fixe et l'on a mal à la tête. Ces excentricités sont le style de la maladie plutôt que de la santé. Aussi Dickens est-il admirable dans la peinture des hallucinations. On voit qu'il éprouve celles de ses personnages, qu'il est obsédé de leurs idées, qu'il entre dans leur folie. En sa qualité d'anglais et de moraliste, il a décrit nombre de fois le remords. Peut-être on dira qu'il en fait un épouvantail, et qu'un artisan a tort de se transformer en auxiliaire du gendarme et du prédicateur. Il n'importe. Le portrait de Jonas Schuslevitt est si terrible qu'on peut lui pardonner d'être utile. Jonas a tué en trahison son ennemi et croit dorénavant respirer en paix. Mais le souvenir du meurtre, comme un poison, désorganise insensiblement son esprit. Il n'est plus maître de ses idées. Elle l'emporte avec la fougue d'un cheval effaré. Il pense incessamment et en frissonnant à la chambre où on le croit endormi. Il voit cette chambre, il en compte les carreaux, il imagine les longs plis des rideaux sombres, les creux du lit qu'il a défait, la porte à laquelle on peut frapper. À mesure qu'il veut se détacher de cette vision, il s'y enfonce. C'est un gouffre ardent, où il roule en se débattant avec des cris et des sueurs d'angoisse. Il se suppose couché dans ce lit, comme il devrait y être, et au bout d'un instant, il s'y voit. Il a peur de cet autre lui-même. Le rêve est si fort qu'il n'est pas bien sûr de n'être pas là-bas à Londres. Il devient ainsi son propre spectre et son propre fantôme. Et cet être imaginaire, comme un miroir, ne fait que redoubler devant sa conscience l'image de l'assassinat et du châtiment. Il revient et se glisse en pâlissant jusqu'à la porte de la chambre. Lui, homme d'affaires, calculateur, machine brutale de raisonnement positif, le voilà devenu aussi chimérique qu'une femme nerveuse. Il avance sur la pointe du pied comme s'il avait peur de réveiller l'homme imaginaire qu'il se figure couché dans le lit. Au moment où il tourne la clé dans la serrure, une terreur monstrueuse le saisit. Si l'homme assassiné allait se lever là, devant lui, il entre enfin et s'enfonce dans son lit, brûlé par la fièvre. Il relève les draps sur ses yeux pour essayer de ne plus voir la chambre maudite. Il la voit mieux encore. Le froissement des couvertures, le bruissement d'un insecte, les battements de son cœur, tout lui crie « Assassin !» L'esprit fixé avec une frénésie d'attention sur la porte, il finit par croire qu'on l'ouvre et il l'entend grincer. ses sensations sont perverties. Il n'ose s'en défier, il n'ose plus y croire, et dans ce cauchemar, où la raison engloutie ne laisse surnager qu'un chaos de formes hideuses, il ne trouve plus de réel que l'oppression incessante de son désespoir convulsif. Dorénavant, toutes ses pensées, tous ses dangers, le monde entier disparaît pour lui dans une seule question. Quand trouveront-il le cadavre dans le bois? Il s'efforce d'en arracher sa pensée. Elle y reste imprimée et collée. Elle l'y attache comme par une chaîne de fer. Il se figure toujours qu'il va dans le bois, qu'il s'y glisse sans bruit, à pas furtifs, en écartant les branches, qu'il approche, puis approche encore, et qu'il chasse les mouches répandues sur la chair par fils épaisses comme des monceaux de groseilles séchées. Et toujours il aboutit à l'idée de la découverte. Il en attend la nouvelle, écoutant passionnément les cris et les rumeurs de la rue, écoutant lorsqu'on sort ou lorsqu'on entre, écoutant ceux qui descendent et ceux qui montent. En même temps, il a toujours sous les yeux ce cadavre abandonné dans le bois. Il le montre mentalement à tous ceux qui l'aperçoivent, comme pour leur dire « Regardez, connaissez-vous cela? Me soupçonnez-vous ?» Le supplice de prendre le corps dans ses bras et de le poser, pour le faire reconnaître, aux pieds de tous les passants, ne serait point plus lugubre que l'idée fixe à laquelle sa conscience l'a condamné. Jonas est sur le bord de la folie. D'autres y sont tout à fait. Dickens a fait 3 ou 4 portraits de fous, très plaisants au premier coup d'œil, mais si vrais qu'au fond ils sont horribles. Il fallait une imagination comme la sienne, déréglée, excessive, capable d'idées fixes, pour mettre en scène les maladies de la raison. Il y en a 2 surtout qui font rire et qui font frémir. Augustus, le maniaque triste, qui est sur le point d'épouser Miss Pecksniff, et le pauvre Monsieur Dick, demi-idiot, demi-monomaniaque, qui vit avec Miss Trotwood. Comprendre ces exaltations soudaines, ces tristesses imprévues, ces incroyables soubresauts de la sensibilité pervertie, reproduire ces arrêts de pensée, ces interruptions de raisonnement, cette intervention d'un mot toujours le même qui brise la phrase commencée et renverse la raison renaissante, voir le sourire stupide, le regard vide, la physionomie niaise et inquiète de vieux enfants hagards qui tâtonnent douloureusement d'idée en idée et se heurtent à chaque pas au seuil de la vérité qu'ils ne peuvent franchir, c'est là une faculté que Hoffmann seul eut au même degré que Dickens. Le jeu de ces raisons délabrées ressemble au grincement d'une porte disloquée. Il fait mal à entendre. On y trouve, si l'on veut, un éclat de rire discordant, mais on y découvre mieux encore un gémissement et une plainte, et l'on s'effraie en mesurant la lucidité, l'étrangeté, l'exaltation, la violence de l'imagination qui a enfanté de telles créatures, qui les a portées et soutenues jusqu'au bout sans fléchir, et qui s'est trouvée dans son vrai monde en imitant et en produisant leur déraison. À quoi peut s'appliquer cette force? Les imaginations diffèrent non seulement par leur nature, mais encore par leur objet. Après avoir marqué leur énergie, il faut circonscrire leur domaine. Dans le large monde, l'artiste se fait un monde. Involontairement, il choisit une classe d'objets qu'il préfère. Les autres le laissent froid et il ne les aperçoit pas. Dickens n'aperçoit pas les choses grandes. Ceci est un second trait de son imagination. L'enthousiasme le prend à propos de tout, particulièrement à propos des objets vulgaires, d'une boutique de bric-à-brac, d'une enseigne, d'un crieur public. Il a la vigueur, il n'atteint pas à la beauté. Son instrument rend des sons vibrants, il n'a point de son harmonieux. S'il décrit une maison, il la dessinera avec une netteté de géomètre. Il en mettra toutes les couleurs en relief. Il découvrira une physionomie et une pensée dans les contrevents et dans les gouttières. Il fera de la maison une sorte d'être humain, grimaçant et énergique, qui saisira le regard et qu'on n'oubliera plus. Mais il ne verra pas la noblesse des longues lignes monumentales, la calme majesté des grandes ombres largement découpées par les crépis blancs, la joie de la lumière qui les couvre et devient palpable dans les noirs enfoncements où elle plonge, comme pour se reposer et s'endormir. S'il peint un paysage, il apercevra les sénelles qui parsèment de leurs grains rouges les haies dépouillées, la petite vapeur qui s'exhale d'un ruisseau lointain, les mouvements d'un insecte dans l'herbe. Mais la grande poésie qu'eût saisie l'auteur de Valentine et d'André lui échappera. Il se perdra, comme les peintres de son pays, dans l'observation minutieuse et passionnée des petites choses. Il n'aura point l'amour des belles formes et des belles couleurs. Il ne sentira pas que le bleu et le rouge, la ligne droite et la ligne courbe, suffisent pour composer des concerts immenses qui, parmi tant d'expressions diverses, gardent une sénérité grandiose et ouvrent au plus profond de l'âme une source de santé et de bonheur. C'est le bonheur qui lui manque. Son inspiration est une verve fiévreuse qui ne choisit pas ses objets, qui ranime au hasard les laideurs, les vulgarités, les sottises, et qui, en communiquant à ses créations je ne sais quelle vie saccadée et violente, leur ôte le bien-être et l'harmonie qu'en d'autres mains elles auraient pu garder. Miss Ruff est une fort gentille ménagère. Elle met son tablier. Quel trésor que ce tablier! Dickens le tourne et le retourne comme un commis de nouveautés qui voudrait le vendre. Elle le tient dans sa main, puis elle l'attache autour de sa taille, elle lie les cordons, elle l'étale, elle le froisse pour qu'il tombe bien. Que ne fait-elle pas de son tablier? Et quel est l'enchantement de Dickens pendant ces opérations innocentes? Il pousse de petits cris d'espièglerie joyeuse. « Oh, bon Dieu! Quel méchant petit corsage !» Il apostrophe la bague, il gambade autour de Ruff, il frappe dans ses mains de plaisir. C'est bien pire lorsqu'elle fabrique le pudding. Il y a là une scène entière, dramatique et lyrique, avec exclamations, protases, péripéties, aussi complètes qu'une tragédie grecque. Ses gentillesses de cuisine et ses mièvreries d'imagination font penser, par contraste, au tableau d'intérieur de George Sand. Vous rappelez-vous la chambre de la fleuriste Geneviève? Elle fabrique, comme Ruff, un objet utile, très utile, puisqu'elle le vendra 10 sous le jour d'après. Mais cet objet est une rose épanouie, dont les frêles pétales s'enroulent sous ses doigts comme sous les doigts d'une fée, dont la fraîche corolle s'empourpre d'un vermillon aussi tendre que celui de ses joues, frêle chef-d'œuvre éclos un soir d'émotions poétiques, pendant que de sa fenêtre elle contemple au ciel les yeux perçants et divins des étoiles, et qu'au fond de son cœur vierge murmure le premier souffle de l'amour. Pour s'exalter, Dickens n'a pas besoin d'un pareil spectacle. Une diligence le jette dans le dithyrambe. Les roues, les éclaboussures, les sifflements du fouet, le tintamarre des chevaux, des harnais et de la machine, en voilà assez pour le mettre hors de lui. Il ressent par sympathie le mouvement de la voiture. Elle l'emporte avec elle. Il entend le galop des chevaux dans sa cervelle et part en lançant cette ode qui semble sortir de la trompette du conducteur. En avant sur les arbres qui se resserrent. Nous ne pensons pas à la noire obscurité de leurs ombres. Nous franchissons du même galop, clarté, ténèbres, comme si la lumière de Londres à 50 000 d'ici suffisait, et au-delà, pour illuminer la route. En avant par-delà la prairie du village, où s'attardent les joueurs de pommes, où chaque petite marque laissée sur le frais gazon par les raquettes, les balles ou les pieds des joueurs, répand son parfum dans la nuit. En avant, avec 4 chevaux frais, par-delà l'auberge du cerf sans corne, où les buveurs s'assemblent à la porte avec admiration, pendant que l'attelage quitté, les traits pendants, s'en va à l'aventure du côté de la mare, poursuivi par la clameur d'une douzaine de gosiers et par les petits-enfants qui courent en volontaire pour le ramener sur la route. À présent, c'est le vieux pont de pierre qui résonne sous le sabot des chevaux, parmi les étincelles qui jaillissent. Puis, nous voilà encore sur la route ombragée, puis sous la porte ouverte, puis loin, bien loin au-delà, dans la campagne. Hurrah ! Oh là, oh là-bas, derrière, arrête cette trompette un instant. Viens ici, conducteur, accroche-toi à la bâche, grimpe sur la banquette. On a besoin de toi pour tâter ce panier. Nous ne ralentirons point pour cela le pas de nos bêtes, n'ayez crainte. Nous leur mettrons plutôt le feu au ventre pour la plus grande gloire du festin. Ah, Il y a longtemps que cette bouteille de vieux vin n'a senti le contact du souffle tiède de la nuit. Comptez-y. Et la liqueur est merveilleusement bonne pour humecter le gosier d'un donneur de corps. Et cela n'est pas peur, Bill, de lever le coude. Maintenant, reprend haleine. Et c'est mon corps, Bill. Voilà de la musique. Voilà un air. Là-bas, là-bas, bien loin derrière les collines. Ma foi, oui, hurrah. La jument ombrageuse est toute gaie cette nuit. Hurrah, hurrah. Voyez là-haut la lune, toute haute d'abord, avant que nous l'ayons aperçue. Sous la lumière, la terre réfléchit les objets comme l'eau. Les haies, les arbres, les toits bas des chaumières, les clochers d'église, les troncs mutilés, les jeunes pousses florissantes, sont devenus vains tout à coup et ont envie de contempler leurs belles images jusqu'au matin. Là-bas, les peupliers bruissent pour que leurs feuilles tremblotantes puissent se voir sur le sol. Le chêne, point, il ne lui convient pas de trembler. Campé dans sa vieille solidité massive, il veille sur lui-même sans remuer un rameau. La porte moussue, mal assise sur ses gonds grinçants, boiteuse et décrépite, se balance devant son mirage comme une douairière fantastique pendant que notre propre fantôme voyage avec nous. Hurrah, hurrah ! À travers fossés et broussailles, sur la terre unie et sur le champ labouré, sur le flanc raide de la colline, sur le flanc plus raide encore de la muraille, comme si c'était un spectre chasseur. Des nuages aussi, et sur la vallée un brouillard, non pas un lourd brouillard qui la cache, mais une vapeur légère, aérienne, pareille à un voile de gaz, qui pour nos yeux d'admirateurs modestes ajoute un charme aux beautés devant lesquelles il est étendu, ainsi qu'ont toujours fait les voiles de vrai gaz, ainsi qu'ils feront toujours, oui, ne vous déplaise, quand nous serions le pape en personne. Hurrah ! Eh bien, voilà que nous voyageons comme la lune elle-même, cachée dans un bouquet d'arbres, la minute d'après dans une tache de vapeur, puis, reparaissant en pleine lumière, parfois effacée, mais avançant toujours, notre course répète la sienne. Hurrah ! Une joute contre la lune ! Hola ! Hurrah ! La beauté de la nuit ne se sent plus qu'à peine, quand le jour arrive en bondissant. Hurrah ! Deux relais ! Et les routes de la campagne se changent presque en une rue continue. Hurrah ! Par-delà des jardins de maraîchers, des files de maisons, des villas, des terrasses, des places, des équipages, des chariots, des charrettes, des ouvriers matineux, des vagabonds attardés, des ivrognes, des porteurs à jeun. Par-delà toutes les formes de la brique et du mortier, puis sur le pavé bruyant qui force les gens juchés sur la banquette à se bien tenir. Hurrah, à travers des tours et des tours sans fin, dans le labyrinthe des rues sans nombre, jusqu'à ce qu'on atteigne une vieille cour d'hôtellerie et que Tom Pinch, descendu, tout assourdi et tout étourdi, se trouve à Londres. Tout cela pour dire que Tom Pinch arrive à Londres. Cet accès de lyrisme où les folies les plus poétiques naissent des banalités les plus vulgaires, semblables à des fleurs maladives qui pousseraient dans un vieux pot cassé, expose dans ses contrastes naturels et bizarres toutes les parties de l'imagination de Dickens. On aura son portrait en se figurant un homme qui, une casserole dans une main et un fouet de postillon dans l'autre, se mettrait à prophétiser. Le lecteur prévoit déjà quelles violentes émotions ce genre d'imagination va produire. La manière de concevoir règle en l'homme la manière de sentir. Quand l'esprit, à peine attentif, suit les contours indistincts d'une image ébauchée, la joie et la douleur l'effleurent d'un attouchement insensible. Quand l'esprit, avec une attention profonde, pénètre les détails minutieux d'une image précise, la joie et la douleur le secouent tout entier. Dickens a cette attention et voit ces détails. C'est pourquoi il rencontre partout des sujets d'exaltation. Il ne quitte point le ton passionné. Il ne se repose jamais dans le style naturel et dans le récit simple. Il ne fait que railler ou pleurer. Il n'écrit que des satires ou des élégies. Il a la sensibilité fiévreuse d'une femme qui part d'un éclat de rire ou qui fond en larmes au choc imprévu du plus léger événement. Ce style passionné est d'une puissance extrême et on peut lui attribuer la moitié de la gloire de Dickens. Le commun des hommes n'a que des émotions faibles. Nous travaillons machinalement et nous bâillons beaucoup. Les trois quarts des objets nous laissent froid. Nous nous endormons dans l'habitude et nous finissons par ne plus remarquer les scènes de ménage, les minces détails, les aventures plates qui sont le fond de notre vie. un homme vient qui tout d'un coup les rend intéressantes. Bien plus, il en fait des drames. Il les change en objets d'admiration, de tendresse ou d'épouvante. Sans sortir du coin du feu ou de l'omnibus, nous voilà tremblants, les yeux pleins de larmes ou secoués par les accès d'un rire inextinguible. Nous nous trouvons transformés, notre vie est doublée, notre âme végétait, elle sent, elle souffre, elle aime. Le contraste, la succession rapide, le nombre des sensations ajoutent encore à son trouble. Nous roulons pendant 200 pages dans un torrent d'émotions nouvelles, contraires et croissantes, qui communiquent à l'esprit sa violence, qui l'entraîne dans des écarts et des chutes, et ne le rejette sur la rive qu'enchanté et épuisé. C'est une ivresse, et sur une âme délicate, l'effet serait trop fort. Mais il convient au public, et le public l'a justifié. Cette sensibilité ne peut guère avoir que deux issues, le rire et les larmes. Il y en a d'autres, mais on n'y arrive que par la haute éloquence. Elles sont le chemin du sublime, et l'on a vu que pour Dickens, il est fermé. Cependant, il n'y a pas d'écrivain qui sache mieux toucher et attendrir. Il fait pleurer, cela est à la lettre. Avant de l'avoir lu, on ne savait pas tant de pitié dans le cœur. Le chagrin d'une enfant qui voudrait être aimée de son père et que son père n'aime point. L'amour désespéré et la mort lente d'un pauvre jeune homme à demi imbécile. Toutes ces peintures de douleurs secrètes laissent une impression ineffaçable. Les larmes qu'il verse sont vraies, et la compassion est leur source unique. Balzac, George Sand, Stendhal ont aussi raconté les misères humaines. Est-il possible d'écrire sans les raconter? Mais ils ne les cherchent pas, ils les rencontrent. Ils ne songent point à nous les étaler. Ils allaient ailleurs, ils les ont trouvés sur leur route. Ils aiment l'art plutôt que les hommes. Ils ne se plaisent qu'à voir jouer les ressorts des passions, à combiner de grands systèmes d'événements, à construire de puissants caractères. Ils n'écrivent point par sympathie pour les misérables, mais par amour du beau. Quand vous finissez, Valentine, votre émotion n'est pas la pitié pure. Vous ressentez encore une admiration profonde pour la grandeur et la générosité de l'amour. Quand vous achevez le père Goriot, vous avez le cœur brisé par les tortures de cette agonie. Mais l'étonnante invention, l'accumulation des faits, l'abondance des idées générales, la force de l'analyse, vous transporte dans le monde de la science, et votre sympathie douloureuse se calme au spectacle de cette physiologie du cœur. Dickens ne calme jamais la nôtre. Il choisit les sujets où elle se déploie seule et plus qu'ailleurs, la longue oppression des enfants tyrannisés et affamés par leur maître d'école, la vie de l'ouvrier Stephen, volé et déshonoré par sa femme, chassé par ses camarades, accusé de vol, languissant 6 jours au fond d'un puits où il est tombé, blessé, dévoré par la fièvre, et mourant quand enfin on arrive à lui. Rachel, sa seule amie, est là, et son égarement, ses cris, le tourbillon de désespoir dans lequel Dickens enveloppe ses personnages, ont préparé la douloureuse peinture de cette mort résignée. Le sceau remonte apportant un corps qui n'a presque plus de forme, et l'on voit la figure pâle, épuisée, patiente, tournée vers le ciel, pendant que la main droite, brisée et pendante, semble demander qu'une autre main vienne la soutenir. Il sourit pourtant et dit faiblement « Rachel ». Elle vient et se penche jusqu'à ce que ses yeux soient entre ceux du blessé et le ciel, car il n'a pas la force de tourner les siens pour la regarder. Alors, en paroles brisées, il lui raconte sa longue agonie. Depuis qu'il est né, il n'a éprouvé que misère et injustice, c'est la règle. Les faibles souffrent et sont faits pour souffrir. Ce puits où il est tombé a tué des centaines d'hommes, des pères, des maris, des fils, qui faisaient vivre des centaines de familles. Les mineurs ont prié et supplié les hommes du Parlement, par l'amour du Christ, de ne point permettre que leur travail fût leur mort, et de les épargner à cause de leurs femmes et de leurs enfants, qu'ils aiment autant que les gentlemen aiment les leurs. Tout cela pour rien. Quand le puits travaillait, il tuait sans besoin. Abandonné, il tue encore. Stephen dit cela sans colère, doucement, simplement comme la vérité. Il a devant lui son calomniateur et son père. Il ne s'indigne pas, il n'accuse personne. Il charge seulement le père de démentir la calomnie tout à l'heure, quand il sera mort. Son cœur est là-haut, dans le ciel où il a vu briller une étoile. Dans son tourment, sur son lit de pierre, il l'a contemplée, et le tendre et touchant regard de la divine étoile a calmé, par sa sérénité mystique, l'angoisse de son esprit et de son corps. « J'ai vu plus clair, dit-il, et ma prière de mourant a été que les hommes puissent seulement se rapprocher un peu plus les uns des autres, que lorsque moi, pauvre homme, j'étais avec eux. » Ils le soulevèrent, et il fut ravi de voir qu'ils allaient l'emporter du côté où l'étoile semblait les conduire. Ils le portèrent très doucement, à travers les champs et le long des sentiers, dans la large campagne, Rachel tenant toujours sa main dans les siennes. Ce fut bientôt une procession funéraire. L'étoile lui avait montré le chemin qui mène au Dieu des pauvres, et son humilité, ses misères, son oubli des injures l'avaient conduit au repos de son Rédempteur. Ce même écrivain est le plus railleur, le plus comique et le plus bouffon de tous les écrivains anglais. Singulière gaieté, du reste. C'est la seule qui puisse s'accorder avec cette sensibilité passionnée. Il y a un rire qui est voisin des larmes. La satire est sœur de l'élégie. Si l'une plaide pour les opprimés, l'autre combat contre les oppresseurs. Blessé par les travers et par les vices, Dickens se venge par le ridicule. Il ne les peint pas, il les punit. Rien de plus accablant que ces longs chapitres d'ironie soutenue où le sarcasme s'enfonce à chaque ligne, plus sanglant et plus perçant dans l'adversaire qu'il s'est choisi. Il y en a 5 ou 6 contre les Américains, contre leurs journaux vendus, contre leurs journalistes ivrognes, contre leurs spéculateurs charlatans, contre leurs femmes auteurs, contre leur grossièreté, leur familiarité, leur insolence, leur brutalité, capables de ravir un absolutiste et de justifier ce libéral qui, revenant de New York, embrassa les larmes aux yeux le premier gendarme qu'il aperçut sur le port du Havre. Fondation de sociétés industrielles, entretien d'un député avec ses commettants, instruction d'un député à son secrétaire, parade des grandes maisons de banque, inauguration d'un édifice, toutes les cérémonies et tous les mensonges de la société anglaise sont gravés avec la verve et l'amertume de Hogarth. Il y a des morceaux où le comique est si violent qu'il a l'air d'une vengeance, par exemple le récit de l'éducation pratique de Jonas Schuslevitt. Le premier mot qu'épela cet excellent jeune homme fut « gain ». Le second, quand il arriva aux 10 syllabes, fut « argent ». Cette belle éducation avait produit par hasard 2 inconvénients. L'un, c'est qu'habitué par son père à tromper les autres, il avait pris insensiblement le goût d'attraper son père. L'autre, c'est qu'instruit à considérer tout comme une question d'argent, il avait fini par regarder son père comme une sorte de propriété, qui serait très bien placée dans le coffre-fort à Plébière. « Voilà mon père qui ronfle, » dit M. Jonas. « Pecksniff, ayez donc la bonté de marcher sur son pied. C'est celui qui est contre vous qui a la goutte. » Il entre en scène par cette attention, vous jugez du reste. Dickens est triste au fond comme Hogarth, mais comme Hogarth, il fait rire aux éclats par la bouffonnerie de ses inventions et par la violence de ses caricatures. Il pousse ses personnages dans l'absurde avec une intrépidité rare. Son Pecksniff invente des phrases morales et des actions sentimentales si grotesques qu'il en est extravagant. Jamais on n'a entendu de telles monstruosités oratoires. Sheridan a déjà peint un hypocrite anglais, Joseph Surface. Mais celui-là diffère autant de Pecksniff qu'un portrait d'après nature figure d'une vignette du Punch. Dickens fait l'hypocrisie si difforme et si énorme que son hypocrite cesse de ressembler à un homme. On dirait une de ces figures fantastiques dont le nez est plus gros que le corps. Ce comique outré vient de l'imagination excessive. Dickens emploie partout le même ressort. Pour mieux faire voir l'objet qu'il montre, il en crève les yeux du lecteur. Mais le lecteur s'amuse de cette verve déréglée. La fougue de l'exécution lui fait oublier que la scène est improbable, et il rit de grand cœur en entendant l'entrepreneur des pompes funèbres, M. Mould, énumérer les consolations que la piété filiale, bien munie d'argent, peut trouver dans son magasin. Quelle douleur n'adoucirait pas les voitures à 4 chevaux, les tentures de velours, les cochers en manteau de drap et en bottes à revers, les plumes d'autruche teintes en noir, les acolytes à pied habillés dans le grand style, portant des bâtons garnis d'un bout de bronze. Oh, ne disons pas que l'or est une boue, puisqu'il peut acheter des choses comme celle-là. Que de bénédictions, s'écrie M. Mould, que de bénédictions j'ai versées sur l'humanité au moyen de mes quatre grands chevaux carapassonnés, que je ne carapassonne jamais à moins de 10 livres 10 shillings la séance. Ordinairement, Dickens reste grave en traçant ses caricatures. L'esprit anglais consiste à dire en style solennel des plaisanteries folles. Le ton et les idées font alors contraste. Tout contraste donne des impressions fortes. Dickens aime à les produire et son public à les éprouver. Si parfois il oublie de donner les verges au prochain, s'il essaye de s'amuser, s'il se joue, il n'en est pas plus heureux. Le fond du caractère anglais, c'est le manque de bonheur. L'ardente et tenace imagination de Dickens se prend trop fortement aux choses pour glisser légèrement et gaiement sur leur surface. Il appuie, il pénètre, il enfonce, il creuse. Toutes ces actions violentes sont des efforts, et tous les efforts sont des souffrances. Pour être heureux, il faut être léger comme un Français du XVIIIe siècle, ou sensuel comme un Italien du XVIe. Il faut ne point s'inquiéter des choses ou en jouir. Dickens s'en inquiète et n'en jouit pas. Prenez un petit accident comique, comme on en rencontre dans la rue, un coup de vent qui retrousse les habits d'un commissionnaire. Scaramouche fera une grimace de bonne humeur. Le sage aura le sourire d'un homme amusé. Tous deux passeront et n'y songeront plus. Dickens y songe pendant une demi-page. Il voit si bien tous les effets du vent, il se met si complètement à sa place, il lui suppose une volonté si passionnée et si précise, il tourne et retourne si fort et si longtemps les habits du pauvre homme, il change le coup de vent en une tempête et en une persécution si grande qu'on est pris de vertige et que tout en riant, on se trouve en soi-même trop de trouble et trop de compassion pour rire de bon cœur. C'était un endroit aéré qui bleuissait le nez, qui rougissait les yeux, qui faisait venir la chair de poule, qui gelait les doigts du pied, qui faisait claquer les dents, que l'endroit où Toby Vick attendait en hiver, et Toby Vick le savait bien. Le vent arrivait en se démenant autour du coin, principalement le vent d'est, comme s'il était parti des confins de la terre pour tomber sur Toby. Et souvent on aurait dit qu'il arrivait sur lui plus tôt qu'il n'avait pensé, car tournant d'un bond autour du coin et dépassant Toby, il revenait soudain sur lui-même en tourbillonnant comme s'il criait « Ah, le voilà !» À l'instant, son tablier blanc était retroussé contre sa tête, comme la blouse d'un enfant méchant, et l'on voyait sa faible petite canne lutter et s'agiter inutilement dans sa main. Ses jambes subissaient une agitation terrible, et Toby lui-même, tout courbé, faisant face tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, était si bien souffleté et battu et rossé et houspillé et tiraillé et bousculé et soulevé de terre, que c'était presque positivement un miracle s'il n'était pas enlevé en char et en os en haut de l'air, comme l'est parfois une colonie de grenouilles ou d'escargots ou d'autres créatures portatives, pour tomber en pluie, au grand étonnement des indigènes dans quelque coin reculé du monde où l'espèce des commissionnaires est inconnue. Si l'on veut maintenant se figurer d'un regard cette imagination si lucide, si violente, si passionnément fixée sur l'objet qu'elle se choisit, si profondément touchée par les petites choses, si uniquement attachée aux détails et aux sentiments de la vie vulgaire, si féconde en émotions incessantes, si puissante pour éveiller la pitié douloureuse, la raillerie sarcastique et la gaieté nerveuse, on se représentera une rue de Londres par un soir pluvieux d'hiver. La lumière flamboyante du gaz brûle les yeux, ruisselle à travers les vitres des boutiques, rejaillit sur les figures qui passent, et sa clarté crue, s'enfonçant dans leurs traits contractés, met en relief, avec un détail infini et une énergie blessante, leurs rides, leur difformité, leur expression tourmentée. Si dans cette foule pressée et salie, vous découvrez un frais visage de jeune fille, cette lumière artificielle le charge de tons excessifs et faux. Elle le détache sur l'ombre pluvieuse et froide avec une auréole étrange. L'esprit est frappé d'étonnement, mais on porte la main à ses yeux pour les couvrir, et en admirant la force de cette lumière, on pense involontairement au vrai soleil de la campagne et à la tranquille beauté du jour.